des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Veronica Bertie.